Crois-tu qu'il danse dans le silence de maison froide, ou qu'il se donne des baisers fades pour nous sembler si à l'étroit dans la prison de laquelle on ne s'évade qu'en déverrouillant sa mansarde? J'aime les croire coire et maladroit, en rien menaçant. Mais quand l'heure viendra, le courage des raseurs de crâne, aurais-je celui d'être debout derrière les barricades? Quand reviendra le courage des raseurs de crâne, aurais-je celui d'être debout derrière les barricades? Croyait-il vraiment comme ces têtes qu'ils ont mises à blanc, l'on peut reconstruire l'horreur et le sang, et reconstruire en repoussant? Mais c'est sur ce tas de boucles folles que l'on ramasse et qui s'envole que s'est bâti notre présent aussi. Et pourtant, et quand l'heure viendra, le courage chez ceux qui nous tourmentent pour attendre des fêtes.